Mes amis, je le savais, je l'avais dit à tout le monde. Vous le savez, je suis un grand surfeur de la toile qui rend fou. Internet, vous l'avez compris. Eh bien, figurez-vous, je suis tombé sur une étude passionnante. Des chercheurs albanais ont étudié les effets de la transpiration de l'homme sur le comportement de la femelle. Eh bien, que les couilles du grand Kaiser me soient greffées sur le front, ça les rend folles, les greluches. Pour leur expérience, ils ont été forts en Albanie. Ils ont prélevé de la sueur des selles sur des mecs non désodorisés depuis un mois. Normalement, ça schlingue sévère. À l'albanais, quand ça suanne, ça fait pas semblant, hein. Il cocotte des rillettes, le mouflon. Il sent presque aussi fort qu'un stagiaire, l'animal. Eh bien, sachez que les femelles adorent. Une goutte posée sur la lèvre supérieure. Je parle de celle de la bouche, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. Eh bien, une seule goutte leur procure un sentiment de relaxation, une réduction du stress. Ça irait même, jusqu'à provoquer l'ovulation. C'est dingue, ce truc. On dirait presque qu'ils sont en train de parler de moi avec ce phénomène. Non, mais je le savais, moi, que c'était des conneries, ces histoires de « Ouh, va prendre une douche, puis ça sous les bras ». La vérité, c'est que ces dames, elles se sentent au bord de la rupture quand elles reniflent ces effluves de bonheur viril. Elles savent parfaitement que quelques minutes de plus au contact olfactif de mes Roland et ses liens les plongeraient inévitablement dans une transe incontrôlable. Noyée par le désir, la femelle perd toute notion de vertu et de retenue au contact de ma peau des talons tyroliens qui... Il est vrai, se recouvre d'un léger voile de rosée chaude et humide, ce qui est ma foi parfaitement normal après un galop dans les plaines de l'extase qui dure parfois plus de 26 heures et qui s'achève en général dans des cris de libération jubilatoire, orgasmique et souvent proche de la folie. Je me souviens d'une fois où j'étais monté dans le train pour rentrer de la foire aux putes de Budapest. Vous vous rappelez, Christophe, on était ensemble. Foire qui dure 2 mois. J'avais tenu 2 jours, enfin bon. J'avais pris pas de douche, c'est le règlement interne. Ah, j'ai obéi. Eh bien, à peine rentré dans le compartiment, 3 radasses sont tombées dans les pommes. Et un petit chien est mort. T'imagines un peu le degré d'excitation que j'ai provoqué. Et heureusement que je suis pas du genre à profiter de ce genre d'infos pour choper de la loutre, hein, moi. Non, je veux que seul mon charme de cougar vénézuélien agisse. C'est pour ça que je ne triche pas. Je prends une douche par semaine, histoire de ne pas envoûter mes proies. Ah, je suis un gentleman. Bon, j'y vais, moi. J'ai l'impression que David de Bailencourt essaye de me séduire. Ça fouette copieux. Allez, au vidéo.